Bob Dylan, Richard Sega, Emmylou Harris, Lucinda Williams, Carolina Chocolate Drops, Leonard Cohen, Lila Downs, Lisa Leblanc, Townes Van Zandt, Neil Young, Folk d'Amérique. Tous les mardis soirs à 18h30 sur les ondes de CKRL, la radio qui cultive ses racines. Avec Gilles Chaumet. Le Radiothon de CKRL fut une réussite grâce à votre générosité et à la collaboration de nos partenaires majeurs suivants. La Barberie, la Boîte à pain Café Napoli, le Bal du Lézard, ainsi que l'Hôtel Château Laurier. Merci de favoriser l'émergence et la culture de Québec en écoutant CKRL. Cette émission vous est présentée par Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Maison Thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Emballé sous vide pour un maximum de fraîcheur, au prix plus qu'abordable, pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Bienvenue à l'émission Les bouquins d'abord. Avril, Berbrank au microphone. Grande émission, je suis entourée de gars qui ont tous plein d'affaires intéressantes à dire. Mais avant de commencer, un petit mot. Mercredi, le Salon du Livre va commencer. Et les bouquins d'abord, on y est. Chaque midi, jusqu'à 13h30, en direct au Salon du Livre. Une trentaine d'entrevues, tables rondes, toutes sortes d'affaires. Venez nous voir. Et si vous pouvez pas venir, écoutez-nous. Et là, je vais faire le tour de table pour présenter mes collaborateurs. René Bolduc, tu nous parleras de quoi? D'un livre qui s'appelle « L'anarchie expliquée à mon père ». C'est Thomas Derry, qui est le père de Francis Dupuy-Derry. Alors, je vais en parler tout à l'heure. Et Jacques Vaillancourt, toi, tu nous parles de... Le duel. Le dernier livre de Andrew Dasson. J'ai bien hâte de savoir si Erlandour est de retour. Yves Rousseau. Bonsoir. Toi, t'as plein d'affaires devant toi. Ouais. C'est l'anarchie? Non, c'est pas encore l'anarchie, mais j'ai deux polars, un polar chinois puis un polar mongol. Alors, exotisme et dépaysement garanti. Et si on a le temps, j'aimerais ça passer 30 secondes pour plugger nouveau projet, le nouveau numéro qui vient de sortir. En fin d'émission, je vais te donner du temps pour nouveau projet. Gilles Chaumel. On parle des Indiens. Ouais. Pas ceux d'Amérique. Avec Thomas King et puis une série qui s'appelle Scalped, qui a rien à envier au Walking Dead de ce monde. C'est absolument terrifiant. Ça fait qu'on va faire une première partie assez politique et après, on va y aller pour le polar. On va écouter de la musique, Daniel Hope, Spring. C'est vraiment le printemps, faut en profiter. Et on revient avec René. Thank you. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord. Ici, les discussions sont déjà très en train. René Bolduc, l'anarchie expliquée à mon père. Bien oui, en ce jour du 7 avril. Hein? Oui, c'est un bon moment, donc, je trouve. C'est tout un bon moment. C'est tout un addon. J'ai envie de commencer tout de suite avec une citation du livre. Ça va comme suit. « Si l'aristocratie se définit comme le gouvernement d'une petite minorité, alors le régime électoral est une aristocratie élective. » C'est peut-être mieux qu'une aristocratie héréditaire, mais c'est tout de même une aristocratie et certainement pas une démocratie si les mots ont encore un sens. Ça, c'est d'un des deux auteurs, Francis Dupuis-Déry, dans un livre paru chez Lux 2013, « L'anarchie expliquée à mon père ». Bref, il y a deux têtes dans ce livre-là sur l'anarchie. J'imagine le père et le fils. Le père et le fils, oui. Sans le Saint-Esprit, ce coup-là. Le père Thomas Déry est né en 1936 à Paris. S'est installé au Québec au moment de la guerre d'Algérie. Alors pour, évidemment, mésentente idéologique avec son pays, il a été prof, directeur général du Salon du Livre de Montréal. Mm-hmm. Co-fondateur de la librairie du Québec à Paris, rédacteur, réviseur, traducteur, Francis Dupuis-Déry, né à Montréal, lui, et il enseigne la science politique à l'UQAM. Ce n'est pas son premier ouvrage. Il enseigne bien la politique. Entre autres, il a écrit un livre sur les Black Blocs qui... C'est ça l'image qu'on a des anarchistes en général. Oui, hein? De la cagoule noire et on lance des briques. Moi, je dirais que la plupart des penseurs et leaders de l'extrême gauche viennent de la petite bourgeoisie intellectuelle. Bon, alors... Ça, c'est le commentaire d'Yves Rousseau. On le reconnaît, là. Il y a tout... Bon, ils font... comment dire? C'est sûr que l'anarchie a mauvaise... En passant, hein, le père, c'est pas un deux de pique. Hein. C'est pas juste... Écoute, mon garçon, explique-moi donc c'est quoi l'anarchie. Toi, t'es prof d'université. Non, non, pas du tout. Il y a des choses à dire. C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Et c'est vraiment un échange. Et puis... c'est sûr qu'au départ, ouvertement, ça peut être une consonance péjorative. Le mot anarchie, des fois, on associe ça au désordre, le chaos, etc. Mais là, je suis entouré de gens bien cultivés. Évidemment, ils savent que ce n'est pas le cas. Le désordre, c'est l'ordre moins le pouvoir. Ou l'ordre. L'anarchie, c'est l'ordre, mais moins le pouvoir. Alors, moins les grandes structures de chefs. Il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que ça nous prend nécessairement des chefs parce que peuple tellement ignorant, ne sait pas comment faire les choses. Non, et parce que beaucoup de gens ne veulent pas prendre des responsabilités. Je pense qu'il y a là aussi un problème. Alors, ça a quand même une très longue... Une longue... Oui, Gerrit? Oui, exactement. Ouais. On est en train de léguer le pouvoir parce qu'on ne veut pas le prendre nous-mêmes. Dès 1848, un Français écrivait ceci. Alors, l'anarchie, c'est rien de moins... Alors, qui dit anarchie dit négation du gouvernement. Qui dit négation du gouvernement dit affirmation du peuple. Qui dit affirmation du peuple dit liberté individuelle. Qui dit liberté individuelle dit souveraineté de chacun. Qui dit souveraineté de chacun dit égalité. Qui dit égalité dit solidarité ou fraternité. Et qui dit fraternité dit ordre social. Donc, qui dit anarchie dit ordre social. Fin de la citation d'un auteur de 1848. Et ce que j'ai appris dans ce livre-là, c'est qu'on ne peut pas mettre l'anarchie... comment dire? Il y a différentes tendances, il y a différents courants. C'est comme pour le féminisme. C'est ça, il n'y a pas... Il n'y en a pas. Oui. Alors, on peut pas le fixer. Ça vient de... Même s'il y a beaucoup d'essais de le faire. C'est une très, très, très longue histoire et c'est ce que, dans le dialogue avec, Francis et son père, c'est ce qu'on apprend. René, les libertariens, est-ce qu'ils seraient considérés comme anarchistes là-dedans, comme un anarchisme de droite, par exemple? J'avoue, j'ai pas la réponse. Une forme je pense qu'ils abordent aussi cette question-là, mais pas dans ce que j'ai lu. J'ai pas l'anarchisme de droite. Le problème avec l'anarchisme, c'est est-ce que c'est la loi du plus fort qui va régner ou comment c'est vu pour que ce soit une cause sociale valable? Anarchie, c'est plutôt le vécu concret, et l'anarchisme, ce qu'on apprend aussi dans le livre, c'est plutôt la pensée, la théorie, etc., comment les choses se font. Alors, là où est-ce qu'ils s'entendent pour dire que dans l'être humain, il y a deux tendances, disons, fondamentales. Il y a une tendance à la domination, à vouloir contrôler les autres, à tirer profit des autres. Et il y a une tendance, oui, plus portée sur l'autonomie, la liberté, l'égalité. Et peu importe la tendance de gauche ou de droite, à moins que je me trompe, mais carrément, on met de côté cette domination-là. C'est plutôt un laisser-aller. Mais là, il y a ces tendances-là dont tu parlais, Jacques. Oui. Il n'y aurait pas une troisième tendance qui expliquerait la première que tu as nommée, René, c'est que il y a une tendance peut-être à vouloir se faire dominer, contrôler. Tout simplement, mais eux trouvent que c'est une erreur, quoi. Hein? Et puis, ils vont même trouver des liens avec la conception même de l'univers, la conception de la nature. C'est qu'on a tendance à croire que dans la nature, tout est un jeu de compétition, de domination, etc. Et là, il cite un grand classique, je pense, de l'anarchisme, Kropotkin, qui même à l'époque de Darwin, paraît-il, lui-même aurait avoué avoir mis trop d'insistance sur le plus fort, le mieux adapté, et pas assez sur la coopération. Pas assez. Alors, Kropotkin résume les thèses d'un autre Kessler en disant ceci, je cite, « À côté de la loi de la lutte réciproque, il y a dans la nature la loi de l'aide réciproque, qui est beaucoup plus importante pour le succès de la lutte pour la vie et surtout pour l'évolution progressive des espèces. » Alors voilà pour... on voit ici comment même des anarchistes, dès le 19e siècle, vont chercher des appuis du côté de la nature, du côté de l'univers, du côté de la science. Ça prend différentes tendances. Et puis, du côté de la science, il y a même quelqu'un comme Paul Feyerabend qui a écrit un discours contre la méthode et en sous-titre pour une théorie anarchiste de la science, parce qu'on a souvent tendance à concevoir la science comme étant une longue progression logique continue, et lui a fait, dès les années 70, un peu l'apologie de cette découverte, finalement, un peu au hasard, sans qu'il y ait de barème. Voilà. Et puis, la question de la violence aussi. Hein. Souvent, on va parler de violence, et il ne nie pas Francis Dupuy-Déry qu'au 19e siècle, évidemment, il y a des bombes qui ont sauté, etc. Mais pour s'en sortir, il parle du libéralisme, hein, qui a pris sa source en Angleterre, etc. Et souvent, on parle de libéralisme comme étant une grande et belle chose, hein, sur la politique, l'économie, etc. Mais on passe souvent sous le tapis le fait que l'esclavagisme, le colonialisme, le sexisme, le racisme, les guerres, il va même aller jusqu'à nommer les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Fait aussi partie de l'histoire du libéralisme. Un bémol, peut-être, en terminant, sur ce livre-là, que je vais parler plus du livre que du courant même, c'est que même un essai peut avoir du style. Et oui, c'est agréable le dialogue entre le père et le fils, mais je trouve que c'est un livre, disons, assez anarchiste ou anarchique, mais dans le mauvais sens du terme. On ne sait pas trop où on s'en va. Il n'y a pas de table des matières. Il n'y a pas d'index thématique. Moi, je me suis surpris à faire moi-même... Ah, ici, on parle d'Argentine. Ici, on parle de Japon. Ici, on parle de... Je faisais moi-même mon index systématique. Et puis, c'est ça. Ça rend la lecture peut-être plus ou moins agréable. Et les références, il y a plein de citations intéressantes. Et je sais pas, c'est peut-être il n'y a pas de référence. C'est ton côté prof. C'est mon côté prof. Au même moment, il y a un livre qui est paru toujours chez Lux, qui était James C. Scott, Petit éloge de l'anarchisme, qui lui est une approche un peu plus pratico-pratique. Comment devenir un bon anarchiste. Dans le fond, il nous démontre à quel point qu'on l'est déjà. L'exemple que tu as donné tantôt, Guérite, quand on passe sur la rouge, sur la lumière, comme piéton, parce que, justement, on voit, il n'y a pas un char, il est minuit, et tu n'attends pas ton bonhomme pendant 3 cycles avant qu'il arrive. Tu traverses. Je l'ai lu dans ton livre, Berbel, oui. Oui, j'ai... Il y aurait moins d'accidents si on n'avait pas du tout de signalisation. Il ne faut pas que je le dise trop fort. Oui, hein, des rues sans signalisation. Parce que les gens se disent, OK, on devient responsable. Et les politiciens se sentent super utiles quand ils mettent une lumière quelque part et ont l'impression d'avoir fait quelque chose. Mon bémol, je viens de commencer le livre, je ne l'ai pas encore lu. Je trouve que comme livre, c'est petit, c'est agréable, mais dès qu'on casse la couverture, il y a des feuilles qui se détachent. Ça, c'est vraiment, non, ça m'énerve un petit peu parce que j'ai toujours peur de les perdre. Ça va finir avec un élastique autour, ce livre-là. Mais j'ai bien aimé quand même mon début de lecture de ce petit éloge-là. Merci, René Bolduc. On va écouter un peu de musique et on va se rendre vers la thématique des Amérindiens, des Premières Nations ici en Amérique du Nord. Listen to the skies, listen to the sun. Something on the land, something going down. Down dressers speeding by life. Fever's heart, burning rivers to cross. Walls of Babylon, material noise, thinking they've touched the moon. Freedom takes a rocket blast, just another day like yesterday. Rocking my heart, rocking the rails. Woman like you, times like this, all that's real connects to you. Happy medicine making me smile, seeing you laugh. Getting so near, rocking our hearts, rocking the reds. Carrying on like he ain't been gone. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord, toujours avec Barbe Rank. Et je passe tout de suite le micro à Gilles Chomel. Je sais qu'il y a plein de choses à dire sur ces deux livres qu'il a apportés. T'es en sacrifice, hein? Oui. On vient d'ailleurs entendre un autre qui est en maudit, il s'appelle John Trudell, qui est un acteur, un poète américain, qui faisait partie dans les années 75 de l'AIM, American Indian Movement, qui a eu une petite heure de gloire pour A Wounded Knee, en répétition à la suite de la bataille sanglante qu'il y avait eu en 1890. Le massacre. En 1975, ils ont essayé d'aller se venger, et deux policiers qui ont été tués. Et puis si je vous raconte ça, c'est parce que dans les deux livres que j'ai apportés, il y en est question de cette histoire-là de Wounded Knee, deuxième version, qui a été une tentative de, pas de soulèvement, mais d'occupation d'un lieu pour dénoncer une situation invivable. Un cinéaste québécois qui a fait un film là-dessus, là. Simoneau. Simoneau, absolument. Oui. Ah, mais là, on parle du vieux. On parle de 1890, là, avec l'extinction, le massacre de Wounded Knee. Et celui dont je parle de 75, c'est parce que c'est cette occupation-là, le dernier lieu historique, oui. En fait, c'était une occupation comme il y en a eu beaucoup dans les années 60. Bref, là, ce que je veux parler, c'est du livre de Thomas King qui s'intitule « L'Indien malcommode ». Thomas King, c'est un romancier, un animateur de télévision aujourd'hui canadien qui est né aux États-Unis, qui a écrit et qui a toujours vécu des Premières Nations. C'en est un lui-même, c'est un Afaro. Il est né à Sacramento, en Californie. Il a été marin, il a vécu en Australie, puis si je vous raconte pourquoi il a vécu en Australie quelque temps, mais il n'a pas pu s'y établir parce qu'il ne pouvait pas, parce que c'était un Indien. On l'a refusé. Au début, il pensait que c'était un Indien d'Inde, puis après ça, ils ont vu que c'était un Amérindien, et puis ça n'a pas beaucoup bonne presse, pas beaucoup plus qu'un Aborigène en Australie. Exact. Où, ben voilà. Donc, on l'a... Puis finalement, il est venu s'établir au Canada où il s'est marié. Il a quand même eu écrit plusieurs romans qui ont été des succès. Et il est membre de l'Ordre du Canada depuis 2004. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même reconnu. Et qui a écrit L'Indien malcommode, qui est une histoire des Amérindiens ici, mais raconté comme un récit. Il aurait pu le faire avec comme un historien, avec des notes de bas de page, quelque chose de bien, bien compliqué. Non, il a préféré le sarcasme, l'ironie, l'humour et la litanie des guerres, des lois, des déportations, des restrictions, de tout ce qu'on a pu faire vivre à des populations pour les déplacer, pour pouvoir prendre la place. Parce que de toute façon, c'était des imbéciles heureux qui ne savaient pas quoi faire de la terre sur laquelle ils vivaient. En 1859. Et c'est pas eux qui ont décidé que c'était comme ça? Non, non, non, pas du tout. Non, ben non. Non, mais Horace Greeley, qui est un journaliste, il a fait, lors de son voyage dans l'Ouest en 1859, il a écrit ceci dans le New York Times de l'époque. Les Indiens sont des enfants. Leurs arts, avec un S, des S, n'est-ce pas? Leurs guerres, leurs traités, leurs alliances, leurs habitations, leur artisanat, leurs biens, leur commerce, leurs commodités, tout cela appartient aux formes les plus basses et les plus viles de l'existence humaine. Je ne peux que dire, ces gens-là doivent périr. Tout secours leur serait inutile. Et ça a été écrit... Bon, tu n'es pas tout seul à penser ça. C'est un peu l'idée qu'on a de l'Indien qui n'est pas un humain au même niveau que les Européens ou les Blancs. On peut remonter au concile... du 16e siècle à Séville, où il y avait une rencontre pour savoir si les Indiens avaient, oui ou non, une âme. S'il n'y en avait pas, on peut éliminer sans gêner. Je pense qu'ils obtiennent, excuse-moi, j'ai leur majorité... À 101 ans. À 100, s'ils deviennent centenaires. Ben, s'ils deviennent, c'est vrai, sinon il reste les enfants. Il y a la loi sur les Indiens. Ouais, c'est au Canada, oui. En fait, il y a la loi sur les Indiens... canadienne, hein, qui régit de la naissance à la mort. Et même c'est le ministre qui peut approuver ou qui peut tester, peut faire un testament. Il y a des Indiens qui n'ont pas le droit. C'est sûr qu'au cours des dernières années, la loi a un peu changé, a un peu évolué. On sait que de par la loi, une femme qui marie un blanc qui est amérindienne est émancipée. Un Indien qui étudie puis qui devient médecin ou avocat, qui a une profession libérale, il est émancipé, il n'est pas indien. Donc, il peut, comme ça, mais autrement. Mais est-ce qu'on peut enlever comme ça à quelqu'un ses racines? On le fait. Mais, tu sais, mais profondément, on ne peut pas le faire. Regarde, je vais toujours rester allemande, peu importe quel papier qu'on me donne, ce que je suis. C'est exactement ce que dit Thomas King, il va toujours y avoir des Indiens. C'est probablement... Tu peux pas décider qu'ils sont plus des Amérindiens, ils sont plus... C'est quoi ce délire? Ben, c'est quand même... en fait, c'est quoi ce délire? Je ne peux pas l'expliquer, c'est pas ça qu'il dit. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il va toujours avoir des Indiens, c'est pas compliqué. Puis quand même, on essaiera n'importe quoi. Et là, il décrit tous les traités qui ont été faits pour déplacer des populations, puis tous les moyens et retards qu'on a trouvés. Oui. On a, en 1857, dans la Géorgie de l'époque, créé avec le gouvernement national américain une loi qui déportait tous les Indiens vers le centre des États-Unis. Okay. Donc, tous ceux qui étaient sur la côte, y compris une partie de ceux qui vivaient dans le sud, en Floride, les Séminoles, etc., on les a un peu parqués un peu plus loin, dans une grande partie qui s'appelait, à l'époque, qui s'appelait le Nebraska, aux États-Unis. Et par la suite, ce qu'on a fait, on a loti, 20 ans plus tard, on a cette terre de réserve, on l'a loti en petites portions, en disant, si chacun des Indiens vit sur son bout de territoire, il va peut-être pouvoir survivre un peu plus facilement. Puis là, à un moment donné, dans les années 90, on a décidé que c'était fini, le lotissement. Puis on a dit aux gens, vous pouvez reprendre des portions de terre puis les garder pour vous autres. Sauf que le territoire qui était de, mettons, 138 millions de... 138 millions de kilomètres carrés, après le lotissement, il est resté 100 millions. comme par hasard, 40 millions de kilomètres carrés ont été perdus aux Indiens. Et ça a continué de diminuer de même tout au long du siècle. C'est ce qui est expliqué dans le livre de Thomas King. Mais c'est expliqué avec un humour absolument grinçant, fascinant. Ça se lit comme un roman. Mais ça t'a mis en tabarnouche. À chaque page, tu viens en maudit. de voir tout ce qui était fait pour... Puis c'est expliqué dans chacun des... C'est vraiment expliqué très en détail. On va écouter un peu de musique et on revient avec ta bébé. Johnson, my native blood is Cree. I'm here to tell the story of a life stolen from me. My grandfather's grandfather was a great war chief, Big Bear. Flora, my grandmother, worked with medicine and prayer. My mother is Saskatchewan, my daddy ex-marine. And I was just a half-breed. Nous sommes de retour au bouquin d'abord. On a réglé nos problèmes techniques. L'Indien Malcommode, un portrait inattendu des Indiens d'Amérique chez Boréal. C'est pas inattendu, c'est... On le sait. Mais là, on se le fait démontrer deux fois plutôt qu'une, cinq fois plutôt qu'une, à quel point... Qu'on est raciste. D'année, oui, qu'on est raciste, d'année Parle-nous après année. Parle-nous de Scalped. Le... Scalped, c'est la mise en image de ce qu'on vient de parler. C'est un comic book. D'ailleurs, c'est un comic book, mais il n'y a rien de drôle là-dedans, OK? Ça se passe dans une réserve qui s'appelle Private Rose ou quelque chose comme ça, mm-hmm. Dans l'état du nord, du Dakota du Sud. Mm-hmm. Et ça met plusieurs personnages en œuvre, dont Dashiell Bad Horse, qui, au moment où commence l'histoire, il travaille pour le FBI. Mm-hmm. Puis ses parents, sa mère entre autres, elle, en 75, à Wounded Knee, a été une de celles qui auraient assassiné les deux policiers. On sait que dans la vraie vie, celui qui est accusé puis qui est encore en prison, puis on a vu une nouvelle là-dessus aujourd'hui, qui s'appelle Léonard Pelletier. Et puis c'est pas lui, mais c'est quelqu'un d'autre. Là-dedans, il n'y a pas de Léonard Pelletier, parce qu'évidemment, on pouvait pas le mettre Mais, donc, lui, il joue le rôle du policier qui revient dans la réserve okay. pour régler le compte du chef Lincoln Brad. Red Crow, qui était aussi en Wounded Knee en 75, mais qui est un mafieux qui est en train de partir un casino dans le village où il y a 28 habitants et ils ont 2,5 millions de caisses de bière par année, de bouteilles de bière, de canettes de bière par année. C'est une parodie, mais c'est comme ça. Mm-hmm. C'est d'un bout à l'autre d'une violence incroyable. C'est comme c'est un comic book, évidemment, toutes les caractères physiques des personnages sont exagérés. Des gros bras pour les gars, puis des grosses boules pour les filles. Ça ressemble un peu au manga. Hein? Il y a tellement de refoulés qu'on le vit dans les mangas. Et là, toute la violence, tout ça sort. Non, c'est parce que ce que je trouve, c'est que c'est... Pour ce que je connais de la vie dans les réserves, mm-hmm. j'ai quand même travaillé 10 ans au secrétariat aux affaires autochtones à faire des reportages dans les communautés. Ça ressemble beaucoup à la détresse qu'on vit dans les communautés. Puis à un moment donné, il y a un meurtre là-dedans. C'est une prostituée qui est assassinée. Et puis ses enfants sont dans la salle d'à côté. Puis ils découvrent leur mère étranglée. Et puis il faut que quelqu'un leur explique ce qui s'est passé. Puis c'est assez atroce. Il y a 10 tomes. 10 volumes de cette série-là. Garde un comic book d'une seule violence-là, tu te dis, c'est comme une série, c'est pas une chip, ça arrête pas. Le découpage est absolument extraordinaire. T'es capable de suivre l'histoire malgré tous les feedbacks que chacun ouais. des personnages peut avoir qui remontent dans son passé, mm-hmm. qui remontent dans ses rêves, qui remontent dans sa tête, dans le passé des Oglala, comme ils s'appellent, mm-hmm. c'est des Lakota. Bref, c'est fascinant, mais en même temps, là, quand tu vois ces images-là de vie dans la réserve, là, les larmes te viennent seules, je te jure. C'est émouvant par bout comme ça. Mais c'est aussi trillant que n'importe quelle série américaine qui passe à la télé. C'est un film dont tout le monde parle. C'est fait par qui? OK. C'est fait par Jason Aaron, et qui est le scénariste de ça, qui est un spécialiste de comic book américain, qui a étudié la vie dans les réserves, beaucoup, mais qui n'est jamais allé. Il l'avoue. Okay. Il dit qu'il n'est jamais allé dans une réserve. Okay. Il y en a, mais de toute façon, ce n'est pas les images qui manquent. Et puis, effectivement, c'est quand tu regardes des films comme J'irai mourir à One Day de Simoneau, tu es capable de te faire une très bonne image. Puis, de toute façon, il y a plein de postes américains. Bref, je trouve que c'est paru où? C'est paru chez Vertigo. C'est traduit en français, parce que c'est une série américaine. C'est traduit en français chez Vertigo. C'est 10 tomes-là qui sont... Et puis, à la fin, le méchant va en prison, si on le sait. Mais qu'est-ce qui arrive à tout le monde durant... Puis, c'est quoi le secret de chacun? C'est quoi les problèmes avec lesquels ils vivent? Les menaces qui En tout cas, t'as assez aimé ça pour acheter la série. Oui. J'en ai 7 tomes à l'heure actuelle de lui. Merci. Alors, Scalped de Jason Aaron. On revient dans quelques minutes. C'est le grand retour de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Cette nouvelle mouture regroupe des musiciens ayant participé à l'ancienne Ligue, de même que des recrues issues de la scène musicale de la ville de Québec. À chaque rencontre, deux équipes de 4 musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 14 avril à 19h30, alors que l'équipe Le Cercle affronte les Verts. $12 à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le Disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Du 9 au 13 avril, le 27e Festival de la BD francophone de Québec vous invite à une foule d'activités et de rencontres. Spectacles, expositions, impro-BD, animations jeunesse et dédicaces. Venez rencontrer plus d'une centaine d'auteurs du Québec et d'ailleurs. Découvrez toute la programmation au fbdfq.com. Allez-y pour voir! Ici Raymond Poirier, animateur de La Vie en BD. Le vendredi 11 avril de 17h30 à 19h, nous vous offrirons une émission spéciale à l'occasion du Festival de la BD francophone de Québec en direct du Centre des Congrès. Au menu, rencontres, discussions et entrevues avec des invités de marque, dont l'auteur de Game Over, Adam, et le second père de Spirou, Jean-Claude Fournier. Venez nous rejoindre en direct au Centre des Congrès le vendredi 11 avril dès 17h30 ou écoutez-nous en direct au 89.1. Cette émission vous est présentée par Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Maison Thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Emballé sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, 3 adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord. Yves Rousseau, tu as plein de livres dépaysants devant toi et là on passe dans la partie pas vraiment plus légère, hein? Juste parce qu'on parle de polar, ça ne veut pas dire que ça devient léger. Oh non. Est-ce qu'on commence par la Mongolie ou la Chine? La Chine est plus lourde que la Mongolie. Quand oui, même. C'est ça. Non, la Chine, j'aimerais ça finir sur quelque chose de plus léger. OK. Alors, Ma Xiaokan, c'est le nom de l'auteur, M-A, son prénom, Xiaokan, X-I-A-O-Q-U-A-N, en tout cas, traduction française, c'est chez Seuil, point, roman noir. C'est très court. C'est un récit, plus qu'un roman, d'après moi. C'est écrit au jeu. Je dirais que, si je veux situer la chose, là, imaginez un orange mécanique chinois. Alex, le narrateur. D'aujourd'hui? Oui, oui. Okay. Alex, le narrateur, serait notre narrateur ici, qui, dès l'âge de 14 ans, mène une vie d'ultra-violence, de sexe et de briser toutes les lois, tous les tabous, toutes les conventions. C'est le musicien fétiche? Non, pas vraiment. Il y a absolument aucune référence culturelle là-dedans. Les références culturelles, ben, ça ressemble à chez nous, c'est les centres d'achat. Ah, des iPhones. Ça pourrait se passer ici. Oui, je ne sais pas si ça pourrait se passer ici. Mais ça m'a surpris que ça puisse se passer en Chine parce que c'est quand même une société où il y a à peu près, il y a pas un policier qui est à moins de 3 minutes de quoi que ce soit qui se passe en Chine. Mais c'est toujours l'idée que avec la nouvelle richesse de la Chine, l'argent amène le racket, la prostitution, les trafics, etc. Donc, il y a de l'argent à faire là-dedans. Mm-hmm. Qui sont les mieux placés pour prendre la meilleure part de ça? Ben, il y a les gens qui sont déjà au pouvoir et il y a ceux qui veulent vraiment monter. Mm-hmm. Qui sont ni vraiment des paysans, ni vraiment des ouvriers, des laissés pour compte. Notre héros, Xiao Lang, qui s'appelle. Et c'est un orphelin de la campagne. En fait, ses parents sont disparus très jeunes. Il y a un mystère aussi au niveau de ses origines qui va être résolu dans une apocalypse sanglante, d'ailleurs. Ce narrateur-là, il explique qu'à 13-14 ans, il était bon en littérature, son professeur l'aimait beaucoup, tout ça, mais il voyait aucun espoir dans le système d'éducation parce qu'il n'y avait pas de parents qui pouvaient le pousser et avoir de l'argent pour l'université. Alors, il a décidé de... Il était bon pour se battre. Alors, dans la rue, il avait été remarqué par un petit caïd. Et il a remplacé le petit caïd. Et ensuite, il est rentré dans un plus gros gang, etc. Mais ça devient une espèce de radiographie de la Chine, du darwinisme pur, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Et il y a une espèce d'adéquation politique, économique, criminelle. Il y a plusieurs Chines en parallèle, en fait, qui fonctionnent. Et ça, c'est très intéressant. Mais c'est quand même bizarre. En apparence, c'est un État policier. Et là, t'as le crime organisé, si bien organisé. Les policiers ont toujours eu besoin des bandits. Il y a ça. Ça justifie leur existence, c'est vrai. Et c'est très intéressant parce que, par exemple, il y a quelqu'un du Parti communiste que notre héros doit assassiner parce que quelqu'un de son gang veut se présenter pour devenir respectable et être un politicien et recycler l'argent de la criminalité. Ça ressemble à Noël, hein? C'est pas compliqué. Mais quand il rencontre le gars, c'est vraiment un bon gars, puis ça devient comme un père adoptif pour lui, mais il faut qu'il le tue. Mm-hmm. C'est ça, il fait vraiment les sales jobs et il les fait salement. Vraiment salement. Okay. C'est vraiment pas un héros sympathique. Je veux dire, c'est peut-être que dans Range Mécanique, Alex finit par devenir sympathique à cause de l'effet projection-identification du cinéma. Mais là-dedans, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas le cas. Il y a un paradoxe intéressant parce que la Chine, c'est une vieille société, mais un des messages du livre, c'est que ça oblige les jeunes à devenir adultes très vite. Alors que nous, par exemple, on est dans une société jeune, mais on cherche à prolonger l'enfance, l'adolescence le plus longtemps possible. C'est un beau paradoxe quand même. Oui. Il me reste combien de temps pour parler de Yann Manou qui est de l'Héroule de guerre? Je te donne 4 minutes. 4 minutes? On passe à la Mongolie. D'accord. Alors, en Mongolie... d'abord, Yann Manouk, petite recherche, en fait, il s'appelle Patrick Manoukian. Il est né en France, à Meudon, 1949, d'origine arménienne. Mm-hmm. Donc, les Arméniens, on peut conclure que sa famille a connu un génocide. Mm-hmm. Intéressant, s'il faut en tenir compte. Donc, c'est pas une traduction, c'est écrit directement en français, c'est chez Albin Michel. Et le titre, c'est le nom du personnage principal, qui est un commissaire de police en Mongolie, à Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Il s'appelle Yeroul Degar, son nom de famille. Déjà, c'est pas facile, quoique je trouve que ça ressemble un peu au nom de notre metteur en nom. Et je vous donne pas les deux prénoms parce que ça prendrait le reste de ma chronique pour les dire. On laissera tomber. Voilà. Alors, imaginez le premier chapitre, le commissaire Yeroul Degar, qui évidemment, comme tout héros de polar, a un passé tragique. Sa fille a été assassinée, ce qui a mis un terme à son mariage. Sa femme a fini par se suicider. Donc, c'est un homme brisé et profondément désabusé. Il boit comme tout le monde en Mongolie, semble-t-il. Okay. Pas plus que les autres. La Mongolie est présentée d'abord comme une nouvelle colonie pour la Chine et la Corée, entre autres à cause des terres rares. On va revenir là-dessus parce que c'est très important. Imaginez que la première journée où on nous le présente, il est en route vers le fin fond de la campagne parce qu'ils ont trouvé le cadavre d'une petite fille enterrée déjà depuis pas mal de temps. Et il avait passé une nuit blanche parce qu'il avait trouvé 3 Chinois dans une usine chinoise de Mongolie, lacérés à coups de scalpel et émasculés avec tout leur gréement dans la bouche. Alors, c'est sa première journée. C'est raide, hein? Ouais, c'est pour c'est un lundi matin, c'est intéressant. Mais en même temps, il y a des choses qui sont assez drôles, si on aime l'humour noir. C'est-à-dire qu'il rencontre les policiers locaux à la campagne qui ont déterré le cadavre que des paysans avaient trouvé, des nomades, et ils ont décidé de le réenterrer pour ne pas abîmer la scène de crime. Parce qu'ils ont vu ça dans CSI. Sur le cadre, dans leur yourte. C'est quand même pas mal. Et en tout cas, Hérole de guerre, évidemment, va démêler des choses, mais il va être obligé de se frotter à ses démons, comme tout bon héros de roman noir. Je dirais que il y a tout là-dedans. Il y a même des néo-nazis mongols qui se déguisent. J'ai l'impression que tu t'es vraiment beaucoup amusé en lisant ça. Oui, même si c'est ultra violent et ultra brutal et que ça donne pas une très belle image de l'humanité. Vous devriez le voir, les yeux qui brillent. Et à un moment donné, il dit ouais, mais vous aimez les nazis, vous vous rendez pas compte de ce qu'ils ont fait. Puis là, les mongols leur disent, vous autres, on sait rien de ce qu'ils ont fait, les nazis. Pour nous autres là, Mao, c'est 100 millions de morts, puis Staline, c'est 80 millions de morts. Fait que votre Hitler, là, c'est une petite affaire. C'est un peu le ton du roman. Mm-hmm. Il y a des alliés quand même, il n'y a pas juste des ennemis. Il y a deux très, très intéressantes collaboratrices, une inspectrice légiste qui s'appelle Oyun et Solongo. Il y en a une qui vit dans une yourte au centre-ville de Ulaanbaatar. Elle vient de la campagne, mais elle a décidé de garder le mode de vie traditionnel. Il y a toujours ça qui se... Mais je voudrais revenir sur le néocolonialisme en Mongolie parce que les vrais méchants là-dedans... en fait, les Mongols et les Coréens. Et la petite fille, en passant, c'est des adeptes de quad qui l'ont tué. C'est des Coréens qui est riche, qui paye très cher pour aller faire des virées de quad sans limite et sans loi dans l'arrière-pays. Moi, ça me fait penser à tous les partisans du quad, là, remarquez, sauf qu'ici, ils accomplissent pas tous ces fantasmes-là. Les Chinois, évidemment, eux autres, c'est les terres rares. Il y en a en Chine, mais ils veulent contrôler ça parce que les terres rares sont essentielles à nos ordinateurs, nos téléphones soi-disant intelligents et à peu près tout ce qui est électronique de pointe. Alors, il y a des gros enjeux là-dedans. Mm-hmm. Et évidemment, le commissaire va se frotter à des forces qui le dépassent, comme on dit. En tout cas, moi, j'ai adoré ça. Même si c'est pas un Mongol qui a écrit ça, c'est vraiment bien fait, bien écrit. C'est pas de la littérature au sens stylistique. Mais c'est un bon polar. C'est un très bon polar. Thriller, polar, je sais pas. Il y a un côté page-turner, là, chapitre assez court. Il y a un suspense. Oui. C'est un polar. Ouais. Côté trailer, oui. Pour moi, ça rentre... Le polar, chapeau, tout ça. Mm-hmm. Et oui, parfaitement. Je te remercie, Yves. C'est déjà tout le temps qu'on avait. On tout écoute le plaisir un peu était de musique pour moi. Et on revient avec Jacques Vaillancourt. Yeah. sommes de retour à l'émission Les Bouquins d'abord, toujours sur les ondes de CKRL. Barbe Rinck au microphone. Je passe tout de suite la parole à Jacques Vaillancourt avec un livre que j'ai attendu très longtemps, que j'espère que tu me prêtes cet été quand je vais être rendue aux lectures d'été, Le duel d'Arnaldur Indritason. Et où Erlendur? Il apparaît, je vais vous dire, il apparaît dans le roman, mais pas, je vous en dis pas plus parce qu'il apparaît très, très sommairement. Oui, là, c'est une très bonne lecture d'été. Tu vas adorer ce roman-là, même si on ne retrouve pas le fameux Erlendur, le personnage qui est principal. C'est un coup de génie dans une série où tout le monde disparaît, de faire disparaître le commissaire. Ça m'a juste fait aimer plus la série. Je sais qu'il y a des gens qui ont haï ça, le passage où il y a la disparition d'Erlendur, mais pour moi, ça a été ça a consacré la série. J'ai fait comme... Ben, il est un peu présent en filigrane dans le roman, puisque c'est l'histoire de son mentor, son mentor qui est une femme. Je vais vous dire un peu comment est structuré le roman, parce que c'est assez particulier. Il y a comme trois histoires parallèles qui se recoupent, bien sûr, à un moment donné. Peut-être d'abord donner les indications techniques. Là, c'est publié chez Métaillé Noir, collection Bibliothèque Nordique, en 2014 pour la traduction française. Il y a 320 pages. C'est un roman qui est pas long là, comme tel à lire. J'ai pas eu de difficulté du tout, pas de temps mort, si vous voulez. L'auteur, peut-être dire quelques mots, là, c'est un Islandais, bien sûr, journaliste, critique de cinéma, et on voit ça transparaît aussi dans le roman, puisque le meurtre dont il est question se produit dans une salle de cinéma pendant qu'il regarde un western qui est L'Homme sauvage. Peut-être que notre ami Yves ici le connaît bien. Donc, ça se passe dans la capitale, Reykjavik, en 1972. Et en 1972, le duel en question, c'est le tournoi d'échecs, le tournoi des maîtres entre Fischer et Spassky, qui sont le côté américain, le côté de l'URSS, l'Union soviétique par Spassky, qui ont vraiment deux caractères très, très différents. Il y a ça d'une part, il y a le tournoi. Il y a aussi une enquête sur un meurtre qui a lieu dans un cinéma en même temps que le tournoi a lieu. C'est un jeune cinéphile qui adore le cinéma. Il va vraiment au cinéma très, très régulièrement. Puis il y a la manie d'enregistrer des films sur cassette audio. Puis, tout d'un coup, on le retrouve avec poignardé, l'appareil est disparu et tout. Et aussi, il y a un grand passage sur l'enfance de Marion, qu'elle s'appelle la mentor de Erlendur. Et sur l'enfance... Qu'on a connu au tout début de la série, quand elle est courante. Oui, je crois qu'on l'enterre même à un moment donné dans un des romans. Et puis, c'est justement, Marion, elle a souffert de la tuberculose. Il y a eu une épidémie de tuberculose un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, d'après ce que j'ai cru comprendre à partir du roman. Donc, il y a ces trois histoires-là, le tournoi, l'enquête sur le meurtre, puis aussi tout ce qui est autour de l'histoire de la tuberculose. Le tournoi, je vais y aller dans l'ordre, vous allez voir comment ça se recoupe aussi. Dans le tournoi, Fischer-Spassky, Fischer, c'est un bonhomme capricieux, un peu désinvolte, il a même fait venir son fauteuil, spécialement le fauteuil dans lequel il avait gagné le dernier tournoi, pour être sûr dans les conditions optimales pour gagner son tournoi. Il y avait des manies, il trouvait que le bruit des caméras le dérangeait, on a fait venir des audiomètres pour mesurer ça, il y avait pas vraiment de problème. Ils ont eu de la misère, il était vraiment pas sûr qu'il viendrait non plus au tournoi affronter Spassky. Spassky, lui, est poli, accommodant, un peu une star auprès des communistes en Islande, puisqu'on est en 72 quand même. La ville est remplie, il y a plein de touristes, il y a plein d'espions aussi, des ambassades, etc., des gens qui suivent les équipes russes et américaines. On voit un peu la prolongation de la guerre froide dans ce conflit-là aux échecs. La même année, s'est déroulé aussi. Le tournoi de hockey, Canada c'est ça. Effectivement, ouais. Là, c'était le match du siècle, ici, il y avait la série du siècle, Canada avec les Russes. Le tournoi, pour toute l'histoire, c'est Fischer qui finalement va le gagner. Mais ça a été très dur parce qu'au début, la première partie, il a perdu. La deuxième partie, il s'est pas présenté. La troisième partie, il a exigé que ça soit dans une pièce fermée avec seulement des caméras puis projeté à l'extérieur. Puis là, il a gagné. Et ça a été très long là, avant d'arriver à la fin du tournoi. La guerre psychologique? La guerre psychologique était là aussi. Il soupçonnait même d'avoir des hypnotiseurs dans la salle, des fois, pour influencer le jeu des adversaires. Bon, le jeune Ragnar, comme je vous l'avais dit, c'est la victime. Il a été poignardé pendant la projection d'un film. C'est un passionné de cinéma, mais un peu simple d'esprit. Puis on comprend pas pourquoi quelqu'un aurait pu vouloir le poignarder, surtout d'une manière aussi brutale et sauvage. Donc, on n'a pas retrouvé son appareil de cassette, son appareil avec la cassette qu'il enregistrait, et on soupçonne bien sûr que c'est ça le motif. Il a enregistré quelque chose qu'il ne devait pas. D'ailleurs, il y a eu des films faits, ou au moins un film fait là-dessus, sur l'enregistrement à distance d'un meurtre. C'est quoi le titre, Yves? Il y en a plusieurs, mais je penserais à Blowout de Brian De Palma. Ce qui est fascinant aussi, c'est tout ce qu'on apprend sur l'histoire de la tuberculose, hein, de l'enfance de Marion Bryan. C'était vraiment une maladie terrible. Il fallait faire des insufflations, c'est-à-dire faire compresser le poumon en injectant de l'air, un gaz, à tout le moins, entre la plèvre et le poumon pour que le poumon se repose. Et quand ça fonctionnait pas, à un moment donné, il coupait les côtes, 6-7 côtes. Il y a une amie de Marianne dans le roman qui a eu cette opération-là, enlever les côtes pour compresser le poumon. Et puis, c'est affreux, là, l'image, c'est comme un cintre. Un support, comme un humain qui serait comme un support d'un côté, là, et vraiment pas de côté. En fait, c'est une enquête policière qui est très bien menée, là, il n'y a pas de problème. Il y a quelquefois des artifices nécessaires pour faire progresser l'histoire qui me semblaient un peu rapidement trouvés, c'est-à-dire quelqu'un qui intervient, un ami qui donne une indication qui est précieuse, sans bon sens. Mais ça vire au roman d'espionnage aussi, hein, le contexte de la guerre froide. Avec l'histoire... avec l'allemand de la DDR qu'on trouve c'est lequel? Parce qu'il touche à l'espionnage. Il touche aussi à l'histoire de l'Islande, parce que la Cité des Genres, c'était un petit peu. Il parle de ça. L'Homme du Lac, là aussi, t'as un grand point, grand bout qui joue autour de l'espionnage, parce que le mort qu'on trouve dans le lac, finalement, c'est un Allemand de l'Est qui débarque là. Cette série-là. Il y a aussi toute la question, il y a une base américaine pas loin de Reykjavik, qui revient justement dans Cité des Genres aussi, dans L'Homme du Lac, pardon. Puis, il y a tout un débat social. Est-ce que les Américains ont lieu d'être là? Puis aussi, toute la guerre de la morue avec l'Angleterre au moment où se déroule le roman. En fait, je vous laisse une phrase à méditer que moi, j'ai pas trop compris le sens. On dit, et c'est une phrase empreinte de grande sagesse, paraît-il, il est plus facile de croire en Dieu quand on sait qu'il n'existe pas. Ouf, c'est faut être islandais, je pense, pour comprendre ça. Merci, Jacques Vaillancourt. On écoute un peu de musique et on revient. Nous sommes de retour au bouquin d'abord. C'est déjà presque la fin. Yves, très vite, une revue qu'on aime tous. Nouveau projet. Oui. Numéro 5, ça paraît aux 2 mois, je crois. C'est une très belle revue, mise en page, graphisme, qualité des textes, des images, tout. À gauche, écologiste, visionnaire... Intelligent. Littéraire aussi. Il y a une nouvelle inédite de Kim Thuy. Il y a toujours une BD. Oui. Sur un sujet d'actualité. Oui. Là, c'est le traitement des déchets nucléaires. Tu vois? Il y a, entre autres, Denis Côté, qui est allé à Tchernobyl et qui nous livre son journal de Tchernobyl, le cinéaste Denis Côté. Il y a David Suzuki, qui vraiment est au centre là, de ce numéro-là. Et ça s'appelle « Le Canada dont nous ne voulons pas ». C'est drôle, en cette journée d'élection. On est très d'à propos. C'est disponible chez tous les kiosques, revues, journaux. Ça coûte 15 $. C'est printemps-été 2014. Nouveau projet. Et on peut s'abonner. Ça vaut la peine, je pense, parce que jusqu'à maintenant, j'en ai acheté moi aussi plusieurs. C'est toujours pertinent. Ouais. Fait que moi aussi, je suis sur le point de m'abonner, ça va être le temps. On passe tout de suite au prochain. Moi, j'ai lu une belle petite BD. Je peux pas vous en dire trop d'affaires. Guillaume Perrault, Cumulus, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est tout seul dans sa chambre, des parents sont séparés, et qui est tanné de ses jouets, d'être tout seul là, qui va suivre un petit nuage, un cumulus qui annonce le beau temps. Et qui, ben, c'est le beau temps aussi pour lui de le suivre, de vivre d'autres choses. Il va lui montrer son quartier et être très, très triste quand Cumulus part et il reste pas avec lui. Mais bon, c'est des peines qu'il doit vivre. C'est très mignon, très épuré, du beau dessin chez Mécanique Générale, Guillaume Perrault, Cumulus. Et on est déjà à la fin. On va faire un petit tour de table. Tous les titres, vous les trouvez aussi sur la page Facebook. L'album photo est là. Je vais ajouter les livres dont on a parlé qui n'étaient pas annoncés d'avance. René Bolduc. Oui, alors j'ai lu L'anarchie expliquée à mon père. Alors c'est une conversation entre Thomas Derry père et fils Francis Dupuis Derry. C'est paru chez Lux dans la collection Instinct de liberté. C'est paru en 2014, contrairement à tout à l'heure, je disais 2013, mais c'est début 2014. Merci René. Gilles Chomel. Alors, revenir sur Thomas King, l'Indien Malcommon, qui nous raconte avec une verve extraordinaire et une ironie mordante l'histoire des tentatives d'extermination et d'assimilation des Indiens d'Amérique du Nord. Ça, c'est chez Boréal. Thomas King, donc, l'Indien Malcommon. Et par la suite... Il a gagné un prix aussi. Hein? Est-ce que c'était ce livre? Il me semble qu'il a été primé. J'ai vu passer ça dernièrement. Prix du gouverneur général. Bon, tu vois, c'est puis, quand même pas rien. Prix Trillium aussi et du Commonwealth Book Prix, Prize. C'est ouais, ça? Book Prize. Faut être... ouais. Book Prize. Bon. Hmm? Cinéma. Bon. Et par la suite, ben, c'est la série Scalped, publiée chez Vertigo, qui est un comic book, si vous voulez, rien de drôle, qui raconte un épisode dans la vie de la réserve Lakota, du Dakota du Sud, donc Scalped, avec Dashiell Brad, Bad Horse. C'est vraiment à coup de poing. Merci, Gilles. Yves Rousseau. Je regarde la photo de Thomas King, il a l'air d'un policier de la GRC du 19e siècle, avec sa moustache. Moi, j'ai parlé de deux polars asiatiques, donc « Hiéroule de guerre » de Yann Manouk, qui se passe en Mongolie. La première d'une série, on annonce une série du commissaire oui. Hiéroule de guerre, chez Albin Michel, donc, de Yann Manouk, et un récit chinois, un peu j'appellerais le « Orange mécanique chinois » de Ma Xiaokan, Confession d'un tueur à gages, c'est chez Seuil, Point, dans la collection Point, roman noir. Et j'ai brièvement parlé aussi de la revue Nouveau Projet, donc le numéro 5, printemps-été 2014, dont je pense que du bien. Jacques Vaillancourt. Bon, je vous ai présenté le duel d'Arnaldur Indridason, qui est publié chez Métaillé. Un très bon roman, un très bon polar. Cinéma, échec et tuberculose. Oui. Pour le ramener à trois mots. Puis une très bonne enquête aussi. Ouais. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, cette semaine, mercredi jusqu'à dimanche, vous pouvez nous écouter tous les midis jusqu'à 13h30, exceptionnellement. Une heure et demie pendant tout le salon du livre, on va être installé devant la porte intérieure du salon. Vous pouvez venir nous voir sur place. Il va y avoir des petits reportages, des tables rondes, des entrevues. Et on revient lundi prochain, un peu essoufflé probablement, mais on va essayer de faire notre mieux. En tout cas, je parle pour moi, j'ai rarement autant lu que les derniers mois. Oui, Gilles. Peut-être que lundi prochain, on va pouvoir parler de la trilogie écossaise de Peter May. Je te reviens là-dessus. Oui, j'aimerais ça, moi. Mm. Ça me ferait vraiment plaisir. Bonne semaine. Écoutez-nous. Et on se retrouve mercredi. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Cette émission était une présentation de Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Emballés sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison.